Oui, alors donc je vais appeler les 6 autres intervenants. Donc un grand merci Gilles et Sophie pour la qualité de ces interventions. On va maintenant passer au temps de la table ronde, donc avec 6 intervenants que je vais présenter tout de suite. Voilà, peut-être vous rappeler aussi qu'on est dans un moment particulier de débat sur les politiques agricoles, puisqu'on est à la fois un moment on est en train de décider de l'application française de la réforme de la PAC après 2013, avec des marges de manœuvre importantes qui sont tout de même conférées à la France, au gouvernement, mais aussi dans un moment qui peut être propice à la réflexion sur la PAC après 2020. Un moment particulier aussi, puisque dans l'Assemblée nationale, vous aurez, il me semble, un débat sur une réforme de loi d'avenir au mois de janvier, il me semble, et qui comporte aussi des marges de manœuvre importantes, que ce soit sur la politique du foncier, la politique d'organisation du filière ou la politique de fiscalité et bien d'autres sujets. Et du coup, je crois que c'est aussi dans ce cadre-là que nous voulions que ce débat se déroule à l'Assemblée nationale. Et nous remercions en particulier les députés et puis toutes les personnes qui sont présentes ici de participer à ce débat. Donc je vais laisser maintenant la parole d'abord aux 6 intervenants brièvement. Si c'était possible de tenir dans les 5 minutes, ce serait vraiment super. Pour laisser la parole ensuite à la salle, au moins une bonne demi-heure. Alors, très rapidement sur le contenu de cette table ronde, il s'agissait d'abord pour nous d'interroger 3 paysans sur leur façon de produire. Alors, Philippe Coutant, qui est paysan, et membre d'Impact en Poitou-Charentes, Olivier Hézard, qui est éleveur en Aveyron, et Quentin Delachapelle, qui est agriculteur en Champagne. Donc, de leur point de vue, comment ils mettent déjà en œuvre d'autres façons de produire qui augmentent leur valeur ajoutée tout en créant de l'emploi, en respectant l'environnement. Mais aussi, qu'est-ce qui fait que vous êtes si peu, finalement, à vous engager dans ces voies alternatives? Et quels leviers sont possibles? Quelles difficultés, d'abord, vous rencontrez au niveau économique et des politiques publiques? Et quels leviers seraient possibles, selon vous? Voilà. Et ensuite, je ferai réagir 3 autres intervenants. Samuel Ferré, animateur de PAC 2013, du réseau PAC 2013. Jean Pluvinage, qui est ancien directeur de recherche à l'INRA, et Philippe Barré, professeur à l'Université de Louvain, qui réagiront aux propos précédents, notamment sur la nécessité d'évaluer autrement, mais aussi de réfléchir et mettre en œuvre d'autres politiques publiques pour soutenir ces autres systèmes de production. Voilà, je vous laisse maintenant, sans plus attendre, la parole. Donc je crois que nous commençons par Philippe Coutant, c'est ça? Voilà, Philippe, je te laisse la parole.